Alors vous écoutez Futur Simple, j'avais pas vu qu'on était revenu en onde. Parce que j'étais triste de pas avoir l'introduction mathématique. Ouais, c'est ça. Donc comme je vous disais, Aurélie a vraiment piaffé d'impatience derrière la vitre pour rentrer en onde. Aurélie d'ailleurs qui est presque deux parce que très très très très proche d'un heureux événement. Oui, ça se peut que je perde mes os en direct si jamais vous entendez un bruit bizarre. Donc, ce serait vraiment peut-être une première, un accouchement en direct au micro. C'est scientifique. Hein. Oui, on peut absolument. En faire une vulgarisation oui, scientifique. On peut écrire le tout. Oui. Voilà. Si ça se fait en 5 minutes, ce sera en plus un record du monde. Bon, à part ces sujets un peu rigolos, on va parler... Tu avais une surprise à nous annoncer. Rigolo, c'est pas toi qui mets le bébé au monde à quelque chose. En tout cas, ça nous fait rire. Pourtant, ça nous fait rire. Donc, on pensait que ça allait être un sujet surprise, mais finalement, tu nous as vendu un petit peu la mèche, on le sait, mais tu vas nous parler donc des bisons. Oui. Les bisons. J'ai décidé de parler d'une super phrase en disant toujours « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». On m'a déjà sorti cette phrase. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. On n'arrête pas de voir qu'en tant que consommateur, on étudie nos habitudes. Or, ils vont être attirés par les produits d'emballage jaune. Donc on va voir, ça va être la mode, plein de jaune dans les magasins, et puis les gens, ils vont acheter jaune, génial. Donc on étudie le consommateur. Peut étudier monsieur le consommateur, le bison. Ah oui, voilà. Mais lui, il ne nous dit pas ce qu'il mange. Non, il ne nous dit pas ce qu'il mange, mais on peut étudier quels vont être les objectifs de sa sélection. Pourquoi est-ce qu'il va manger telle et telle plante? Et qu'est-ce que ça va nous apporter de savoir ça? C'est que quand on va le réintroduire dans un espace, on va savoir où est-ce qu'il va aller se diffuser, en fait, où est-ce qu'il va aller grandir avec sa colonie. Donc, en fait, c'est cette recherche-là dont je voulais vous parler. Trois chercheurs donc de l'Université Laval, puisque je vous parle toujours de l'Université Laval. Jean-Sébastien Babin, Daniel Fortin et Marie-Ève Fortin du département de biologie et de centre d'études de la forêt. En fait, ils ont étudié donc le cas des bisons des plaines. Et ils se sont intéressés à deux populations, une introduite dans le parc national de Prince Albert et une dans le parc national des Prairies. Alors c'est vraiment deux parcs, donc ça a été réintroduit en 1969 et là en 2005 c'est quand même assez récent. En fait la végétation de ces deux parcs est vraiment différente, donc on pouvait pas dire habitué à manger toujours la même plante, on va retrouver cette plante là dans un parc, c'est vraiment des parcs où il y a des végétations différentes. Donc comment savoir où est-ce que la population de bisons allait se répartir dans le parc. Ça, c'était vraiment la question. Et on ne pouvait pas le savoir à partir de préférences alimentaires. Donc, ils se sont dit, parce que moi, je ne me suis pas dit grand-chose, quels vont être leurs objectifs de sélection. Alors, pour tenter de comprendre ça, ils ont suivi leurs déplacements. Donc, souvent, on peut... j'ai revoyé les colliers émetteurs pour pouvoir suivre le déplacement de grandes populations migrateurs comme celle-ci. Ils ont effectué des inventaires des végétations de ce qu'il y avait comme dans ces deux parcs. Et la donnée recueillie montrait qu'en fait, les bisons choisissaient des plantes qui leur procuraient le plus grand apport énergétique instantané. Alors, on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'il ne prend pas plutôt maximiser l'apport énergétique de la plante? Mais non, c'est vraiment un apport énergétique instantané. Alors, ils disent que ça peut être dû... ça peut leur permettre en fait de consacrer plus de temps à d'autres activités, comme se mettre à l'abri des prédateurs, des insectes piqueurs, d'autres éléments. Donc c'est pour ça qu'ils vont privilégier des végétaux à apport énergétique instantané. Et donc ce que ça nous a appris, donc on a dit ok, ça c'est son objectif, lui il cherche dans la nature qu'est-ce qui va m'apporter plein d'énergie. Donc quand ils ont réintroduit en 2005 dans le parc des prairies, en fait ils ont pu produire un modèle, donc les chercheurs ont pu produire un modèle précisant ce qu'allait être la répartition du bison sur ce territoire. À l'avance, ils se sont dit, ok, d'après ce qu'on sait, d'après son objectif, c'est telle et telle plante qui va aller chercher dans un autre parc, puis ça va être réparti comme ça sur le territoire. Résultat, on a mis les deux répartitions, la vraie qu'on connaît maintenant et puis celle qu'on avait supposée il y a quelques années, et paf, elles s'épousent parfaitement. Ah oui. Voilà, et donc on voit bien que même dans un autre parc avec une végétation totalement différente, le bison va chercher des plantes qui lui assurent le plus grand apport énergétique instantané. Donc ça veut dire qu'on connaissait l'apport énergétique des plantes en présence dans le parc. Oui, c'est ça. Ouais. On avait fait vraiment avant un référencement, un inventaire de toutes les plantes qu'il y avait et de leurs apports énergétiques. Et en fait, à quoi ça sert? On va se dire, ok, super intéressant, Aurélie. Il faut savoir, quand on implante des populations de bisons quelque part, il faut qu'il y ait ces plantes-là. Ouais, bah en fait, ils vont... Ces plantes, On n'a pas besoin justement de savoir le type de plante parce qu'on voit qu'ils vont en chercher, mais ce qui est vraiment très utile, c'est qu'on va comprendre son comportement dans un nouvel environnement. On va justement avoir besoin de connaître le type de plante, mais on sait que peu importe un panel de plantes, il va aller chercher celle qui a un plus fort apport énergétique instantané. Ouais. Donc on sait comment est-ce qu'il va s'adapter à son nouvel environnement ou à un environnement en mutation, par exemple, où tel et tel type de plante sera amené à disparaître ou à se propager. Donc voilà, donc toutes les découvertes sont toujours très importantes et comme quoi on peut observer les consommations des humains dans les supermarchés, mais on observe aussi les objectifs de consommation des animaux. Nous sommes tous des consommateurs sur cette planète. C'est vrai. Alors, merci beaucoup Aurélie pour cette dernière nouvelle de l'Université de Bâle. C'était très agréable de t'avoir avec nous cette année. J'étais impatiente de venir faire ma chronique. Ouais. J'espère que on te reverra aussi l'année prochaine. Oui. Peut-être que vous serez deux cette fois-ci. Un nouveau chroniqueur tout jeune. On mettra un chroniqueur sur les genoux de François derrière à la technique et puis moi je viendrai faire ma chronique. Il va peser au hasard sur les boutons. Ouais. Alors, merci beaucoup Aurélie. Puis c'est la fin de l'émission. Alors, je vais remercier un peu toute l'équipe de Futur Simple, de cette année, donc les chroniqueurs d'aujourd'hui, mais aussi ceux qui ont alimenté les nombreuses émissions cette année. Donc je vais les dire tous ensemble, Aurélie Lévy, Christiane Dupont, Adeline Parent, Myriam Desmarais, Éric Gagnon, Isabelle Baume, Pierre-Olivier Desmarchais, Dominique Matt, Mélanie Jean, Geneviève Gay, Morgane Lemasson. Donc j'espère que j'en oublie pas, mais vous voyez que ça fait quand même une belle et riche équipe. Je veux remercier aussi évidemment François Grégoire, co-animateur, en ondes, c'est lui aussi qui met les chroniques sur la page Facebook de Futur Simple, donc un gros merci François. C'est tout ça, c'est vraiment merci à vous tous, vous êtes vraiment une très belle équipe, j'ai beaucoup aimé travailler avec vous tous cette année. Et un grand merci à Valérie Levé quand qui même. Qui a animé toutes ces émissions. Voilà, merci Valérie. Merci aussi, merci alors. Et puis merci aussi à nos auditeurs, bien sûr, qui nous écoutent chaque jeudi. On sait plus ou moins que vous êtes là, de temps en temps on entend, on a un coup de téléphone, une petite remarque par-ci par-là. On se voit sur notre page Facebook comme hier, c'est arrivé. Exactement, donc on sait que vous êtes là et c'est rassurant pour nous de savoir qu'on ne parle pas dans le vide. Merci aussi à CKRL qui nous accorde une heure pour parler de science et il faut bien le dire, c'est chose rare dans les médias. Chercher une émission scientifique qui dure une heure dans les médias, vous allez voir qu'elles sont assez rares. Donc un grand merci à CKRL. Alors sur ce, il faut bien finir, Futur Simple vous dit non pas à la semaine prochaine mais à l'automne prochain et dans quelques instants, bien comme d'habitude, ne manquez pas Mezzanine avec Michel Drolet. Au revoir tout le monde. Je m'étais promis hein. Les jolies colonies de vacances. Allez, c'est l'été, donc on sera heureux de partir en vacances. À l'année prochaine. Alors bon été à tous.